Bonjour Christine, je suis content que tu me reçois. Et alors tu peux lire les questions. Combien de menus fais-tu par jour ? Le midi, nous cuisinons pour à peu près 100 personnes. Le matin, il faut compter une quarantaine. Et pour le souper, plus ou moins entre 50 et 60 personnes. Qu'est-ce qui compose les menus ? Les menus sont composés suivant les réclames qui me permettent de faire mes achats parce que bon, le budget étant serré, il faut composer suivant toutes les réclames. Tu fais les courses combien de fois et où ? Je vais tous les 15 jours chez Macro. Je fais des courses chez Lidl aussi à peu près tous les 15 jours. Et alors, je commande chez Java une grosse commande une fois par mois. Est-ce qu'il y a un service d'hygiène qui contrôle ? Oui, nous sommes contrôlés par l'AFSCA. Est-ce que tu as un diplôme de cuisinière ? Non, à l'origine, je suis couturière. Quel est le métier que tu aurais aimé faire ? J'aurais aimé faire mes études dans le social, car bon, ici, je suis amenée à faire du social, mais je n'ai pas toujours les outils qui pourraient me permettre de régler certaines situations.